Brodiocité.net. Humbert de Saint-Amand, Madame de Maintenon, extrait. Lu par Alain Bernard, illustration musicale, hommage à Lully, François Couperin. Licence Musopen. Françoise d'Aubigné, la future Madame de Maintenon, vient au monde le 27 novembre 1635. Dans une prison de Niort, où est enfermé son père, couvert de dettes et accusé d'intelligence avec l'ennemi. Bercée de gémissements, pour touchant de tendresse, elle commence tristement la vie. Son père, sorti de prison, la conduit à l'âge de 3 ans à la Martinique, où il va chercher fortune. Sa fortune dure peu. Il perd au jeu ce qu'il a gagné et meurt, laissant sa femme et sa fille dans la misère. Âgée de 10 ans, Françoise d'Aubigné revient en France. Elle est confiée par sa mère à une tante, Madame de Villette, et on l'élève dans la religion protestante, dont son aïeul, Théodore Agrippa d'Aubigné, a été le champion célèbre. Je crains bien, écrit Madame d'Aubigné à Madame de Villette, que cette pauvre petite galeuse ne vous donne bien de la peine. Ce sont des effets de votre bonté de l'avoir voulu prendre. Dieu lui fasse la grâce de l'en pouvoir revancher. Note, lettre du 26 juillet 1646. Quelque temps après, Françoise est retirée des mains protestantes de Madame de Villette pour passer dans celles d'une autre parente, très zélée catholique, Madame de Neuillan. Je commandais dans la basse-cour, a-t-elle dit depuis, et c'est par là que mon règne a commencé. On nous mettait au bras un petit panier où était notre déjeuner, avec un petit livre des Quatrains de Pibrac, dont on nous donnait quelques pages à apprendre par jour. Avec cela, on nous mettait une gaule dans la main et on nous chargeait d'empêcher que les dindons n'allassent où ils ne devaient point aller. Elle est ensuite placée au couvent des Ursulines de Niort, puis à celui des Ursulines de la rue Saint-Jacques à Paris, où elle abjure le protestantisme, non sans une vive résistance. Elle a déjà ce don de plaire qu'elle conservera toute sa vie. « Dans mon enfance, a-t-elle dit, elle-même, entretien de Saint-Cyr, j'étais la meilleure petite créature que vous puissiez imaginer. J'étais véritablement ce qu'on appelle une bonne enfant, de manière que tout le monde m'aimait. Étant un peu plus grande, je demeurais dans des couvents. Vous savez combien j'y étais aimée de mes maîtresses et de mes compagnes. Je ne songeais qu'à les obliger à me rendre leur servante à toutes depuis le matin jusqu'au soir. Orpheline et privée de toute ressource, Françoise d'Aubigné, qui n'avait que 17 ans, épouse en 1652, le fameux poète Scarron, âgé de 42 ans, paralysé, perclus de tous ses membres. Scarron, l'auteur burlesque, le bouffon par excellence, qui demande un brevet de malade de la reine, rit de ses maux, se moque de lui-même et de la douleur, et qui, tout en ressemblant, comme il le dit, à un Z, tout en ayant les bras raccourcis aussi bien que les jambes, et les doigts aussi bien que les bras, tout en étant enfin un raccourci de la misère humaine, amuse la haute société française par sa verve intarissable, par sa franche et gauloise gaieté. Quand on dresse le contrat de mariage, Scarron déclare qu'il reconnaît à l'accorder 4 louis de rente, 2 grands yeux fort butins, un très beau corsage, une paire de belles mains et beaucoup d'esprit. Le notaire lui demande quel douair il constitue à la mariée. L'immortalité, répond-il. Que de tact il va falloir une jeune fille de 17 ans pour se faire respecter dans la société du poète burlesque qui dit « Je ne lui ferai pas de sottises, mais je lui en apprendrai beaucoup. » C'est le contraire qui arrivera. Françoise d'Aubigné moralisera Scarron. Elle fera de son salon un des centres les plus distingués de Paris. La meilleure compagnie regardera comme un honneur d'y être admise. Ninon de l'Enclos, l'amie de Scarron elle-même, s'inclinera devant une telle vertu. Et pourtant, ce ne sont pas les admirateurs qui manquent à la femme du poète, à la belle indienne, comme on se plaît à l'appeler, à la sirène que Mademoiselle de Scudéry célèbre en termes enthousiastes dans le roman de Clélie, sous le pseudonyme de Lyriane. La reine Christine de Suède dit à Scarron qu'elle n'est pas surprise qu'ayant la femme la plus aimable de Paris, il soit, malgré ses mots, l'homme de Paris le plus gai. Avec une si bonne et si séduisante compagne, le pauvre poète a moins de mérite à supporter la douleur, plus courageusement, que les stoïciens de l'Antiquité. Enfin, au mois d'octobre 1660, il meurt dans des sentiments très chrétiens et dit sur son lit de mort « Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas laisser de bien à ma femme, de qui j'ai tous les sujets imaginables de me louer. Veuve, Madame Scarron recherche surtout l'estime. Plaire en restant vertueuse, supporter, s'il le faut, les privations, la misère même, mais conquérir le nom de femme forte, mériter les sympathies et les suffrages des gens sérieux, tel est le but de tous ses efforts. Bien habillée, quoique très simplement, discrète et modeste, intelligente et distinguée, ayant cette élégance innée que le luxe ne donne pas et qui provient seulement de la nature. Pieuse, une piété vraie, s'occupant plus des autres que d'elle-même, parlant bien, et ce qui est plus rare encore, sachant écouter, s'intéressant aux joies et aux chagrins de ses amis, habile dans l'art de les distraire, de les consoler, elle est regardée avec raison comme une des femmes les plus aimables et les plus supérieures de Paris. Économe et simple dans ses goûts, elle équilibre son modeste budget grâce à une pension annuelle de 2000 livres, qui lui est faite par la reine Anne d'Autriche. Elle est reçue avec empressement par mesdames de Sévigné, de Coulanges, de Lafayette, d'Albret, de Richelieu. C'est l'époque la plus tranquille et sans doute la plus heureuse de sa vie. Mais la mort de sa bienfaitrice, la reine-mère, au 20 janvier 1666, lui fait perdre la pension qui est son unique ressource. Un grand seigneur très riche et très vieux la demande en mariage. Elle refuse. Elle est sur le point de s'expatrier pour suivre la princesse de Nemours qui va épouser le roi de Portugal. Son étoile la retient en France, où elle sera un jour presque reine. Elle écrit à Mademoiselle d'Artigny « Ménagez-moi, je vous prie, l'honneur d'être présentée à Madame de Montespan lorsque j'irai vous faire mes adieux, que je n'ai pas à me reprocher d'avoir quitté la France sans en avoir revu la merveille. » Madame de Montespan n'était encore célèbre que par sa beauté, mais sa situation de dame du palais de la reine la rendait déjà influente. Elle trouva Madame Scarron charmante et lui obtint le rétablissement de la pension de 2000 livres qui lui permit de ne pas aller au Portugal. Heureuse de cette solution, la belle veuve a donné aux bonnes œuvres et aux lectures sérieuses, méditant le livre de Job et les maximes de La Rochefoucauld, visitant les pauvres et faisant l'aumône, malgré la médiocrité de ses ressources, s'installe de la façon la plus modeste dans un petit appartement de la rue des Tournelles. C'est là que la capricieuse fortune va venir la surprendre. Sollicitée par le roi lui-même, Madame Scarron accepte l'offre qui lui est faite, en 1679, d'élever les enfants de Madame de Montespan. Il fallait une femme intelligente, discrète, dévouée. Madame Scarron se consacre courageusement à ce rôle de mère adoptive. En 1672, elle s'établit non loin de Vaugirard, dans un grand hôtel isolé. Madame de Coulanges écrit alors à Madame de Sévigné « Pour Madame Scarron, c'est une chose étonnante que sa vie. Aucun mortel, sans exception, n'a de commerce avec elle. » Louis XIV, d'abord prévenu contre la gouvernante, qu'il qualifiait de bel esprit, commence à lui reconnaître des qualités rares et porte sa pension de 2000 à 6000 livres. En 1674, elle était arrivée à Versailles avec ses trois élèves, le duc du Maine, le comte de Vexin et Mademoiselle de Tours. C'est de là qu'elle écrivait à son frère, le 25 juillet, « La vie que l'on mène ici est fort dissipée, et les jours y passent vite. Tous mes petits princes y sont établis, et je crois pour toujours. Cela, comme toute autre chose, a son vilain et son bel endroit. » Dès qu'elle a mis le pied à la cour, Madame Scarron s'y est tracé un programme. Rien de plus habile, dit-elle, qu'une conduite irréprochable. Madame de Montespan se félicite d'abord d'avoir près d'elle une personne si aimable, si spirituelle, de si bonne compagnie. Mais cet engouement dure peu. Les brouilleries, les raccommodements, les petites zizanies commencent. C'est une chose curieuse, mais explicable, que la situation respective de ces deux femmes, si spirituelles et si intelligentes, l'altière favorite et l'austère gouvernante, Louis XIV disait « J'ai plus de peine à mettre la paix entre elles qu'à la rétablir en Turquie. » Toutefois, Madame Scarron n'attaque pas. Elle se défend. Le rang lui rend cette justice et commence à reconnaître ses rares mérites. À la fin de 1674, il lui avait donné la terre de Maintenon et elle s'appelait depuis lors la marquise de Maintenon. Y a-t-il de sa part les intrigues ourdies savamment, les hypocrisies raffinées, les calculs machiavéliques que ses détracteurs lui supposent? Nous ne le croyons pas. Que ses intérêts se concilient avec ses devoirs, que la piété qui pour elle est un but devienne un moyen, en est-elle complètement responsable? Veut-elle éloigner Madame de Montespan qui a été, il est vrai, sa protectrice, sa bienfaitrice? Oui. Peut-on l'en blâmer? Non, assurément. Aura-t-elle l'idée de supplanter Madame de Montespan, comme Madame de Montespan avait supplanté son amie, Mademoiselle de la Vallière? En aucune manière. Lorsque Louis XIV, fatigué de l'orgueil et des violences de la favorite tonnante et triomphante, l'éloignera de lui, Madame de Maintenon essayera-t-elle d'accaparer le roi? Nullement. Le triste sceptre passera alors aux mains de Mademoiselle de Fontanges. Quand Mademoiselle de Fontanges mourra d'une façon si soudaine qu'on osera soupçonner, contre toute justice, Madame de Montespan de l'avoir empoisonnée, Madame Maintenon aura-t-elle l'idée de remplacer la duchesse de Fontanges? Pas davantage. Elle n'aura qu'un but, convertir le roi, le ramener à la reine. Ce but, elle l'atteindra. C'en est fait. Madame de Montespan peut encore s'irriter contre l'habile gouvernante, mais elle est désormais vaincue. Sans doute il est dur pour cette fière Mortemart, qui a toujours tenu tête au grand roi, qui a regardé en face le demi-dieu, de s'humilier devant une femme qu'elle a tirée de la misère, devant une institutrice de 7 ans plus âgée qu'elle. Mais qui faire? Le roi ne la regarde plus, et vous jugez bien que les courtisans suivent son exemple. Lettre de Bussy Rabutin, le 30 avril 1680. Madame de Sévigné écrivait le 6 avril 1680. Madame de Montespan est enragée. Elle pleura beaucoup hier. Vous pouvez juger du martyr que souffre son orgueil, qui est encore plus outragé par la haute faveur de Madame de Maintenon. À la même époque, Madame de Maintenon écrivait « Madame de Montespan et moi avons fait aujourd'hui un chemin ensemble, nous tenant sous le bras et riant beaucoup. Nous n'en sommes pas mieux pour cela. » La position de Madame de Maintenon est désormais inattaquable. Elle n'a plus besoin de se faire un piédestal du berceau de ses élèves. Elle a maintenant pour elle-même sa place marquée à la cour. On la recherche, on la flatte. Lorsqu'elle passe quelques jours à son château de Maintenon, les plus grands personnages y vont lui rendre hommage. Louis XIV la nomme Dame d'Atour de la Dauphine. Quand cette princesse arrive en France, c'est Bossuet et Madame de Maintenon qui la reçoivent à Stettstadt. Si Madame la Dauphine écrit Madame de Sévigné, croit que tous les hommes et toutes les femmes aient autant d'esprit que cet échantillon, elle sera bien trompée. Lettre du 14 février 1680. Ce bien qu'elle a tant désiré, la considération. Madame de Maintenon le possède enfin. Le parti dévot la regarde comme un oracle. Les prélats les plus éminents la tiennent en haute estime. C'est elle qui travaille avec eux à la conversion du roi. C'est elle qui le rapproche de la reine. C'est elle qui, avec son éloquence insinuante et douce, plaide à la cour la cause de la morale et de la religion. Madame de Maintenon, femme politique. Écrire l'histoire avec les pamphlets, prendre pour des vérités toutes les inventions de la malveillance ou de la haine, dire avec Beaumarchais « calomnier, calomnier, il en reste toujours quelque chose », rapetisser ce qui est grand, dénaturer ce qui est noble, obscurcir ce qui brille, telle est la tactique des ennemis jurés de nos traditions et de nos gloires, tel est le plaisir des iconoclastes qui voudraient supprimer de nos annales toutes les figures grandioses ou majestueuses. L'école révolutionnaire dont ils sont les adeptes a déjà sapé l'édifice. Elle a contribué à détruire la chose indispensable aux sociétés bien organisées, le respect. Elle a changé les livres en libelles, les jugements en invectives, les portraits en caricatures. Elle s'est accordée avec cette littérature essentiellement fausse qui s'appelle le roman historique pour travestir les personnes et les choses, pour répandre dans le public une foule d'exagérations ou de fables qui jettent la confusion dans les faits et dans les idées, qui bouleverse les notions de la justice et du bon sens. Un des hommes dans cette école a le plus horreur, c'est Louis XIV, parce qu'il fut le représentant, ou pour mieux le dire, le symbole du principe d'autorité. Elle s'est fatiguée de l'entendre appeler le grand, comme l'Athénien, qui se lassait d'entendre appeler Aristide le Juste. Elle a cru que par son souffle, elle pourrait éteindre les rayons du soleil royal. Un potentat affaibli, mené en lisière par une vieille dévote intrigante. Voilà l'image qu'elle a voulu tracer, voilà les traits sous lesquels on aurait la prétention de faire passer à la postérité celui qui resta jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier soupir, ce qu'il avait été toute sa vie, le type par excellence du souverain. Déshonorer Louis XIV dans la femme qu'il choisit comme compagne de son âge mûr et de ses vieux jours, tel a été, tel est encore l'objectif des écrivains de cette école. Ils ont appuyé leur jugement sur ceux de la princesse Palatine, dont nous avons essayé de retracer la physionomie, et sur ceux d'un autre témoin, tout aussi récusable, le duc de Saint-Simon. On ne devrait pourtant pas oublier que ce bouillant duc et pair qui parlait souvent comme Philinte, s'il pensait toujours comme Alceste, avait du moins la bonne foi de dire lui-même « Le stoïque est une belle et noble chimère. Je ne me pique donc pas d'impartialité. Je le ferai vainement. » Il s'indignait de n'être rien dans ce gouvernement où plus d'un homme médiocre avait réussi à capter la faveur du souverain. Être condamné à l'existence désœuvrée de courtisans, vivre dans les antichambres, sur les escaliers, dans les jardins ou dans les cours de Versailles et des autres résidences royales, c'était pour sa vanité un sujet d'aigreur et de mécontentement. Il s'en prenait donc à Louis XIV d'abord, et ensuite à la femme qu'il considérait comme l'inspiratrice de tous ses choix. Mais ce n'est que dans ses mémoires, écrits clandestinement, enfermés sous une triple serrure, qu'il osait se livrer à ses colères. Devant le roi, il était le respect, la docilité même. Après s'être beaucoup remué à propos d'une certaine quête, qui avait fait l'objet d'un litige entre les princesses et les duchesses, il disait humblement au roi que pour lui plaire, il aurait quêté dans un plat comme un marguillier de village. Il ajoutait que Louis XIV était, comme roi et comme bienfaiteur de tous les ducs, despotiquement le maître de leur dignité, de les abaisser, de les élever, d'en faire comme une chose sienne et absolument dans sa main. Il n'était donc pas plus fier en présence de la créole qu'il traite dans ses mémoires de veuve à l'aumône d'un poète cul-de-jatte. Il s'efforça même de la mettre dans ses intérêts d'ambition et d'obtenir pour elle une charge de capitaine des gardes. Mais, furieux de n'être point arrivé aux plus grandes positions de l'État, il s'est donné le plaisir d'une vengeance posthume en représentant Madame de Maintenon sous les couleurs et les plus odieuses, suppléant par l'imagination à l'insuffisance des preuves. Il en a fait une sorte de vieille hypocrite ayant vécu du plaisir dans sa jeunesse et de l'intrigue dans son âge mûr. Ce qu'il dit d'elle est un tissu d'inexactitude. Il a fait naître en Amérique, tandis qu'elle naquit à Niort. Il admet à peine que son père fut gentilhomme, bien qu'elle eût une noblesse absolument incontestable. Ces autres informations n'ont pas plus de fondement. Si chaque jour augmente la gloire de Saint-Simon, si l'on ne cesse d'admirer ce style qui rappelle tour à tour la hardiesse de Bossuet, le coloris de la Bruyère, l'allure de Madame de Sévigné, en revanche, plus on étudie sérieusement la cour de Louis XIV, plus on reconnaît que les fameux mémoires sont remplis d'inexactitudes. Dans son remarquable ouvrage critique sur l'œuvre de Saint-Simon, M. Chériel a bien raison de dire « L'observation de Saint-Simon est fine, sagace, pénétrante, pour sonder les replis des cœurs des courtisans, mais elle manque d'étendue et de grandeur. » À la cour, son horizon est borné, et tout ce qui le dépasse ne lui présente que des traits vagues et confus. En lui accordant la perspicacité de l'observateur, on doit lui refuser l'impartialité du juge, considéré comme historien de Louis XIV par M. Chériel. À l'entendre, Madame de Maintenon est l'unique maîtresse de la France, l'omnipotente sultane, la pantocrate, comme disait la princesse Palatine dans son jargon bizarre. Il retrace avec force détail son incroyable succès, l'entière confiance, la rare dépendance, la toute-puissance, l'adoration publique, presque universelle, les ministres, les généraux d'armée, la famille royale à ses pieds, tout bon et tout bien par elle, tout réprouvé sans elle. Les hommes, les affaires, les choses, les choix, les justices, les grâces, la religion, tout sans exception en sa main, et le roi et l'État ses victimes. Quoi qu'on en dise, Louis XIV est toujours resté le maître, et c'est lui qui a tracé les grandes lignes politiques du règne. Madame de Maintenon a pu lui donner ses conseils, mais c'est lui qui décidait en dernier ressort. Chose digne de remarque, cette femme, à qui l'on voudrait maintenant reprocher une immixtion tracassière dans toute chose, était accusée par les hommes les plus éminents de se tenir à l'écart. Fénelon lui écrivait « On dit que vous vous mêlez trop peu des affaires. Votre esprit en est plus capable que vous ne pensez. Vous vous défiez peut-être un peu trop de vous-même, ou bien vous craignez trop d'entrer dans des discussions contraires au goût que vous avez pour une vie tranquille et recueillie. » Que Madame de Maintenon étude l'influence sur quelque choix, cela ne paraît pas contestable. Mais qu'elle ait à elle seule fait marcher tous les ministères, c'est là une pure invention. Elle était sincère, croyons-nous, quand elle écrivait à Madame des Ursins « De quelque façon que les choses tournent, je vous conjure, Madame, de me regarder comme une personne incapable d'affaires, qu'elle a entendu parler trop tard pour y être habile, et qui les hait encore plus qu'elle ne les ignore. On ne veut pas que je m'en mêle, et je ne veux pas m'en mêler. On ne se cache point de moi, mais je ne sais rien de suite, et je suis très souvent mal averti. Lisant ou faisant la tapisserie pendant que le droit travaillait avec l'un ou l'autre de ses ministres, Madame de Maintenon ne prenait timidement la parole que lorsqu'il était formellement invité. Son attitude à l'égard de Louis XIV était toujours celle du respect. Le roi lui disait, il est vrai, on appelle les papes votre sainteté, les rois votre majesté. Vous, madame, il faut vous appeler votre solidité. Mais cet éloge ne tournait pas la tête à une femme raisonnable et si mesurée. En résumé, que reproche-t-on surtout à Louis XIV? Ses guerres, sa passion pour le luxe, son fanatisme religieux? En quoi cette triple accusation peut-elle peser sur Madame de Maintenon? Bien loin de pousser à la guerre, elle ne cesse de faire les vœux les plus ardents pour la paix. « Je ne respire qu'après la paix », écrit-elle en 1684. « Je ne donnerai jamais au roi des conseils désavantageux à sa gloire. Mais si j'étais cru, on serait moins ébloui de cet éclat d'une victoire, et l'on songerait plus sérieusement à son salut. Ce n'est pas à moi à gouverner l'État. Je demande tous les jours à Dieu qu'il en inspire et qu'il en dirige le maître, et qu'il fasse connaître la vérité. » Monsieur Michelet, si peu bienveillant pour elle, avoue pourtant qu'elle regretta profondément la guerre de la succession d'Espagne. Il dit que les seuls qui gardaient le bon sens, la vieille Maintenon et le malatif Beauvilliers, voyaient avec terreur qu'on se lançait dans l'épouvantable aventure qui allait tout engloutir. De même qu'elle se laissa arracher son avis, écrit pour la révocation de l'édit de Nantes, elle céda, se soumit pour la succession. Michelet, Louis XIV et duc de Bourgogne. Elle n'aimait pas plus le luxe que la guerre. Vivant elle-même avec une extrême simplicité, elle cherchait à détourner Louis XIV des constructions fastueuses et d'une ostentation qu'elle trouvait orgueilleuse. Au dire de Mademoiselle de Mal, la confidente de ses bonnes œuvres, on l'entendait se reprocher les modestes dépenses qu'elle faisait pour son propre compte. Attendant à la dernière extrémité pour se donner un habit, elle disait « J'ôte cela aux pauvres, ma place a bien des côtés fâcheux, mais elle me procure le plaisir de donner. Cependant, comme elle empêche que je manque de rien et que je ne puis jamais prendre sur mon nécessaire, toutes mes aumônes sont une espèce de luxe bon et permis à la vérité, mais sans mérite. » Non seulement Madame de Maintenon ne fut pour rien dans le faste de Louis XIV, non seulement elle ne cessa de le rappeler à la simplicité chrétienne, mais elle plaida sans cesse auprès de lui la cause du peuple, dont elle plaignait les misères et dont elle admirait la résignation, ne se laissant jamais enivrer par l'encens qui brûlait à ses pieds, comme à ceux de Louis XIV, elle n'eut ni ces bouffées d'orgueil, ni cette soif de richesse, ni cette ardeur de domination qu'on rencontre dans la vie des favorites. Les pierreries, les riches étoffes, les meubles précieux lui étaient indifférents. Même au jour de sa jeunesse et de l'engouement qu'excitait sa beauté, elle avait eu surtout son esprit pour parure, et l'éclat extérieur ne l'avait jamais ébloui. Un autre grief formulé par certains historiens contre Madame de Maintenon, c'est la révocation de l'édit de Nantes. Ils attribuent la persécution au zèle hypocrite d'une dévotion étroite, uniquement inspirée par Madame de Maintenon. Or, la révocation de l'édit de Nantes fut, pour ainsi dire, imposée au roi par l'opinion publique. Ainsi que l'a fait remarquer M. Théophile Lavallée, les réformés gardaient en face du gouvernement un air d'enfant disgracié, en face des catholiques, un air d'ennemi dédaigneux. Ils persistaient dans leur isolement. Ils continuaient leur correspondance avec leurs amis d'Angleterre et de Hollande. Lavallée, histoire des Français. La France, a dit M. Michelet, sentait une Hollande en son sein, qui se réjouissait des succès de l'autre. Michelet précise sur l'histoire moderne. Ramener les dissidents à l'unité était chez Louis XIV une idée fixe. Ce devait être, comme on disait alors, le digne ouvrage et le propre caractère de son règne. Le Parlement de Toulouse, les catholiques du Midi, avaient sollicité la révocation avec instance. Quand le décret parut, ce fut une explosion d'enthousiasme. Le chancelier Letellier, entonnant le cantique du vieillard Siméon, mourait en disant qu'il ne lui restait plus rien à désirer après ce dernier acte de son long ministère. Bossu en arrivée a été transport lyrique. Ne laissons pas de publier ce miracle de nos jours, faisons-en passer le récit au siècle futur. Prenez vos plumes sacrées, vous qui composez les annales de l'Église. Touchez de tant de merveilles, épanchons nos cœurs sur la piété de Louis. Poussons jusqu'au ciel nos acclamations et disons à ce nouveau Constantin, à ce nouveau Théodose, à ce nouveau Charlemagne, ce que les 630 pères dirent autrefois dans le concile de Chalcédoine. Vous avez affermi la foi, vous avez exterminé les hérétiques. Bossuet, oraison funèbre de Michel Letellier. Saint-Simon, qui blâme la révocation avec tant d'éloquence, Avoue que Louis XIV était convaincu qu'il faisait une chose sainte. Le monarque ne s'était jamais cru si grand devant les hommes, ni si avancé devant Dieu dans la réparation de ses péchés et le scandale de sa vie. Il n'entendait que des éloges. Les laïcs n'applaudissaient pas moins que le clergé. Madame de Sévigné écrivait le 8 octobre 1685 « Jamais aucun roi n'a fait et ne fera rien de si mémorable. » Rollin, La Fontaine, La Bruyère ne se montraient pas moins enthousiastes que Massillon et Fléchier. Ces vers de Madame des Houlières reflétaient l'opinion générale. « Ah, pour sauver ton peuple et pour venger la foi, ce que tu viens de faire est au-dessus de l'homme. De quelque grand nom qu'on te nomme, on t'abaisse. Il n'est plus d'assez grand nom pour toi. » Sans doute Madame de Maintenon se laissa entraîner par le sentiment unanime du monde catholique, mais ce fut nullement elle qui prit l'initiative. Voltaire l'a reconnue lorsqu'il a dit « On voit par ses lettres qu'elle ne pressa point la révocation de l'édit de Nantes, mais qu'elle ne s'y opposa point. Au sujet des abjurations, qui n'étaient pas sincères, elle écrivait le 4 septembre 1687 « Je suis indigné contre de pareilles conversions. L'état de ceux qui abjurent sans être véritablement catholiques est infâme. » On lit dans les notes de Mesdames de Saint-Cyr « Madame de Maintenon, en désirant que de tout son cœur la réunion des Huguenots à l'église aurait voulu que ce fût plutôt par la voie de la persuasion et de la douceur que par la rigueur. Et elle nous a dit que le roi, qui avait beaucoup de zèle, aurait voulu la voir plus animée qu'elle ne lui paraissait. Et lui disait, à cause de cela, « Je crains, madame, que le ménagement que vous voudriez que l'on eût pour les Huguenots ne vienne de quelques restes de prévention pour votre ancienne religion. » Fénelon lui-même, représenté comme l'apôtre de la tolérance, approuvait en principe la révocation de l'édit de Nantes. Si nul souverain, disait-il, ne peut exiger la croyance intérieure de ses sujets sur la religion, il peut empêcher l'exercice public ou la profession d'opinions ou cérémonies qui troubleraient la paix de la République par la diversité et la multiplicité des sectes. Tel est également l'avis de Madame de Maintenon. Mais les écrivains protestants eux-mêmes ont reconnu qu'elle blâmait l'emploi de la force. L'historien des réfugiés français dans le Brandebourg le dit « Rendons-lui justice ». Elle ne conseilla jamais les moyens violents dont on usa. Elle abhorrait les persécutions, et on lui cachait celles qu'on se permettait. Les conseils de Madame de Maintenon ne furent pas étrangers à la déclaration du 13 décembre 1698, qui, tout en maintenant la révocation de l'édit de Nantes, fonda une tolérance de fait qui dura jusqu'à la fin du règne. Gardons-nous au surplus de tomber dans l'erreur grossière de ceux qui voient dans le catholicisme la servitude, dans le protestantisme la tolérance. Luther prêchait l'extermination des anabaptistes. Calvin faisait supplicier pour hérésie Michel Servet, Jacques Brunet, Valentin Gentilis. Les rigueurs de Louis XIV contre les protestants n'étaient pas celles de Guillaume d'Orange connues des catholiques. Les lois anglaises étaient d'une sévérité draconienne. Tout prêtre catholique résident en Angleterre, qui avant 3 jours n'avait pas embrassé le culte anglican, était passible de la peine de mort. Et l'on voudrait aujourd'hui ne faire croire que dans la lutte de Louis XIV et de Guillaume, le prince protestant représentait le principe de la tolérance religieuse. En résumé, qu'il s'agisse soit de la révocation de l'édit de Nantes, soit de tout autre acte du grand règne, Madame de Maintenon n'a pas joué le rôle odieux que la calomnie lui attribuait. Elle s'est, croyons-nous, maintenue dans les limites de l'influence légitime qu'une femme dévouée et intelligente exerce d'ordinaire sur son mari. Si elle s'est souvent trompée, elle s'est trompée de bonne foi. La vraie Madame de Maintenon n'est pas la dévote méchante et malfaisante, fourbe et vindicative que certains écrivains imaginent. C'est une femme pieuse et sensée, animée de nobles intentions, aimant sincèrement la France, sympathisant du fond du cœur avec les souffrances du peuple, détestant la guerre, ayant le respect du droit et de la justice, austère dans ses goûts, modérée dans ses opinions, irréprochable dans sa conduite. Parlant de l'accord qui existait entre elle et le groupe des grands seigneurs, véritablement religieux, M. Michelet a dit « Regardons cette petite société comme un couvent au milieu de la cour, couvent conspirateur pour l'amélioration du roi. » En général, c'est la cour convertie. Ce qui est beau, très beau dans ce parti, ce qui en fait l'honorable lien, c'est l'édifiante réconciliation des mortels ennemis. La fille de Fouquet, de cet homme que Colbert enferma 20 ans, la duchesse de Béthune-Charost, par un effort chrétien, devient l'amie, presque la sœur, des 3 filles du persécuteur de son père. Tels sont les sentiments que Madame de Maintenon savait inspirer. Chaque matin et chaque soir, elle lisait du plus profond de son âme cette prière composée par elle. « Seigneur, donnez-moi de réjouir le roi, de le consoler, de l'encourager, de l'attrister aussi quand il le faut, pour votre gloire. Faites que je ne lui dissimule rien de ce qu'il doit savoir par moi, et qu'aucun autre n'aurait le courage de lui dire. Non, une pareille piété n'avait rien d'hypocrite, et la compagne de Louis XIV était de bonne foi, quand elle disait à Madame de Glapion, « Je voudrais mourir avant le roi. J'irai à Dieu, je me jetterai aux pieds de son trône, je lui offrirai les vœux d'une âme qui l'aurait rendue pure. Je le prierai d'accorder au roi plus de lumière, plus d'amour pour son peuple, plus de connaissance sur l'état des provinces, plus d'aversion pour les perfidies des courtisans, plus d'horreur pour l'abus qu'on fait de son autorité. Et Dieu exaucerait mes prières. » Le mariage de Madame de Maintenon. J'ai fait une étonnante fortune, mais ce n'est pas mon ouvrage. Je suis où vous me voyez sans l'avoir désiré, sans l'avoir espéré, sans l'avoir prévu. Je ne le dis qu'à vous, car le monde ne le croirait pas. Ainsi s'exprime Madame de Maintenon dans un de ses entretiens avec les demoiselles de Saint-Cyr. Les fictions de romans sont moins étranges que les réalités de la vie. En effet, quand Madame de Maintenon, âgée de 50 ans, vit un roi de 47, et quel roi ! Lui offrir d'être son époux, est-ce se croire le jouet d'un rêve? On serait tenté de s'imaginer qu'elle ne fut la compagne que d'un souverain vieilli, ayant déjà perdu la plus grande partie de son prestige. Mais c'est absolument le contraire. L'année où Louis XIV épousa la veuve de Scarron fut l'apogée, le zénith de l'astre royal. Jamais le soleil du grand roi n'avait été plus imposant. Jamais sa fière devise, nec pluribus impar, n'avait été plus éblouissante. C'était l'époque où, en face de ses ennemis immobiles, il agrandissait et fortifiait les frontières du royaume, conquérait Strasbourg, bombardait Gênes et Alger, achevait les constructions fastueuses de son splendide Versailles, restait la terreur de l'Europe et l'idole de la France. Ses sentiments à l'égard de Madame de Maintenon étaient des plus complexes. Il y avait là un calcul de raison et un entraînement de cœur, une aspiration aux joies tranquilles de la famille et une inclination romanesque. Une sorte d'accord entre le bon sens français, subjugué par l'esprit, le tact, la sagesse d'une femme éminente, et l'imagination espagnole, séduite par l'idée d'avoir arraché cette femme d'élite à la misère pour en faire presque une reine. Notons que Louis XIV, essentiellement spiritualiste, avait la conviction intime que Madame de Maintenon avait reçu du ciel la mission de lui faire faire son salut, et que les conseils de cette femme, qui savait rendre la dévotion aimable et attrayante, lui semblait être autant d'inspiration d'en haut. Madame de Maintenon n'est pas d'ailleurs le seul exemple d'une femme dont le prestige est survécu à la jeunesse. Comme Diane de Poitiers, comme Ninon de l'Enclos, elle se faisait remarquer par une conservation merveilleuse. En la voyant, on pensait à ces belles journées où les rayons du soleil, pour avoir perdu de leur éclat, n'en ont pas moins encore une douceur pénétrante. Elle n'était pas jeune, mais elle avait des yeux vifs et brillants, l'esprit pétillé sur son visage. Citation de l'abbé de Choisy. Saint-Simon lui-même, son impitoyable détracteur, est obligé d'avouer qu'elle avait beaucoup d'esprit, une grâce incomparable à tout, un air d'aisance et quelquefois de retenue et de respect, avec un langage doux, juste, en bons termes et naturellement éloquent et court. Lamartine, cet admirable génie qui avait l'intuition de toutes choses, a défini mieux que personne le sentiment de Louis XIV. En s'attachant à Madame de Maintenon, il croyait presque s'attacher à la vertu. Les charmes de la confiance, de la piété, l'entretien d'un esprit aussi fin que juste, l'orgueil d'élever jusqu'à soi ce qu'on aime, enfin, il faut le dire, à l'honneur du roi, la sûreté des conseils qu'il trouvait dans cette femme supérieure, tous ses orgueils et toutes ses tendresses, avaient accru jusqu'à une absolue domination, l'empire féminin et viril à la fois, de Madame de Maintenon. Lamartine, étude sur Bossuet. Au moment même où la reine venait de rendre l'âme, M. de la Rochefoucauld l'avait prise par le bras et, la poussant dans l'appartement royal, lui avait dit « Ce n'est pas le temps de quitter le roi, il a besoin de vous. » Arnaud, lettre à M. de Vancelles, en date du 3 juin 1688. On parla un instant de projet de mariage entre Louis XIV et l'infante du Portugal, mais cette rumeur ne tarda pas à être démentie. Le roi préférait Madame de Maintenon aux plus jeunes et aux plus brillantes princesses de l'Europe. À peine veuf, il lui avait offert sa main. Monsieur Lavallée, qui a étudié avec tant de conscience la vie de Madame de Maintenon, fixe au premier semestre de l'an 1684, mais sans toutefois indiquer la date précise, l'époque où fut contracté le mariage secret. Il fut mystérieusement célébré dans un oratoire particulier de Versailles par l'archevêque de Paris, en présence du père de Lachaise, qui dit la messe, de Bontemps, premier valet de chambre du roi, et de monsieur de Montchevreuil, l'un des meilleurs amis de Madame de Maintenon. Saint-Simon en parle avec horreur, comme de l'humiliation la plus profonde, la plus publique, la plus durable, la plus inouïe. Humiliation que la postérité ne voudra pas croire, réservée par la fortune pour n'oser ici nommer la Providence au plus superbe des rois. Tel n'était point la vie d'Arnaud. « Je ne sais pas, écrivait-il, ce qu'on peut reprendre ce mariage, contracté selon les règles de l'Église. Il est humiliant qu'aux yeux des faibles, qui regardent comme une faiblesse du roi, de s'être pu résoudre à épouser une femme plus âgée que lui et si fort au-dessous de son rang. Ce mariage le lie d'affection avec une personne dont il estime l'esprit et la vertu, et dans l'entretien de laquelle il trouve des plaisirs innocents qui le délassent de ses grandes occupations. » Souvenir de Madame de Caylus. Madame de Maintenon semblait au comble de ses voeux, mais elle était trop intelligente. Elle avait jeté sur les problèmes de la destinée humaine un regard trop scrutateur et trop inquiet pour ne pas être en même temps saisie de tristesse. C'est elle qui écrivait « Avant d'être à la cour, je pouvais me rendre en témoignage que je n'avais jamais connu l'ennui. Mais j'en ai bien tâté depuis, et je crois que je n'y pourrais résister si je ne pensais que c'est là où Dieu me veut. Il n'y a de vrai bonheur qu'à servir Dieu. » Cette mélancolie, dont l'expression revient sans cesse dans les lettres de Madame de Maintenon, comme un plaintif et monotone refrain, frappe d'autant plus qu'elle est un profond enseignement. Ainsi, voilà une femme qui, à 50 ans, arrive à une situation véritablement prodigieuse et s'empare d'un souverain dans tout l'éclat, dans tout le prestige de la victoire et de la puissance. Une femme qui, avec une habileté voisine de l'ensorcellement, supplante toutes les plus belles, toutes les plus riches, toutes les plus nobles jeunes filles du monde, dont pas une n'aurait été fière de s'unir au grand roi. Une femme qui, après avoir été plusieurs fois réduite à la misère, devient la personnalité la plus importante de France après Louis XIV. Et cependant, elle n'est pas heureuse. Est-ce parce que le roi n'aime pas assez? Nullement. Car les lettres qu'il lui adresse, s'il est forcé de passer quelques jours loin d'elle, sont conçues dans le style de celle-ci. Je profite de l'occasion du départ de Montchevreuil pour vous attester une vérité qui me plaît trop pour me lasser de vous la dire. C'est que je vous chéris toujours, que je vous considère à un point que je ne puis exprimer, et qu'enfin, quelque amitié que vous ayez pour moi, j'en ai encore plus pour vous, étant de tout mon cœur tout à fait à vous. Lettre écrite pendant le siège de Mons en avril 1691. Si elle est triste, est-ce parce qu'il lui restait encore un degré à franchir sur le merveilleux escalier de la fortune? Est-ce parce qu'elle n'a pu changer en trône son fauteuil presque royal? En aucune manière. Reine reconnue, Madame de Maintenon serait demeurée triste toujours, et son frère aurait pu encore lui dire « Avez-vous donc promesse d'épouser le Père éternel ?» Pendant plus de 30 ans, elle devait régner sans partage sur l'âme du plus grand des rois. Et ce n'était pas seulement le monarque, c'était la monarchie qui s'inclinait respectueusement devant elle. Toute la cour était à ses pieds, sollicitant un mot, un regard. Comme le disaient les dames de Saint-Cyr dans leurs notes, des parlements, des princes, des villes, des régiments s'adressaient à elle comme au roi. Tous les grands du royaume, les cardinaux, les évêques, ne connaissaient pas d'autre route. Elle était au point culminant du crédit, de la considération de la fortune, et cependant, je le répète, elle n'était pas heureuse. Fénelon lui écrivait le 14 octobre 1689. Dieu exerce souvent les autres par des croix qui paraissent croix. Pour vous, il veut vous crucifier par des prospérités apparentes et vous montrer à fond le néant du monde par la misère attachée à tout ce que le monde lui-même a de plus éblouissant. Arrivée au fait des grandeurs, Madame de Maintenon éprouvait cette inquiétude, cette fatigue qui est presque toujours la compagne de l'ambition même satisfaite. Elle était tentée de dire avec la Bruyère « Les deux tiers de ma vie sont écoulés, pourquoi tant m'inquiéter sur ce qui m'en reste? La plus brillante fortune ne mérite point le tourment que je me donne. 30 années détruiront ces colosses de puissance qu'on ne voyait qu'à force de lever la tête. Nous disparaîtrons, moi qui suis si peu de choses, et ceux que je contemplais si avidement, et de qui j'espérais toute ma grandeur. Le meilleur des biens, s'il y a des biens, c'est le repos, la retraite, et un endroit qui soit son domaine. Arrivée à une incroyable élévation, la femme du plus grand roi de la terre regrettait la maison de Scarron. C'est elle-même qui l'a dit, comme la canne regrette sa bourbe. Instruite par l'expérience, elle constatait avec La Fontaine que la fortune vend ce qu'on croit qu'elle donne, et si son esprit fatigué du luxe, de l'illustration, de la puissance, se reportait au jour de la médiocrité, alors qu'elle n'avait ni marquisade de Maintenon, ni appartement de plein pied avec celui de Louis XIV, c'est qu'elle possédait deux trésors bien autrement précieux qui lui appartenaient dans la demeure de Scarron et qu'elle avait perdu dans le Versailles du Roi Soleil. Deux trésors vraiment beaux, vraiment inestimables. La jeunesse et la gaieté. Madame de Maintenon, femme politique. Dévote et malfaisante et méchante, fourbe et vindicative, que certains écrivains imaginent, c'est une femme pieuse et sensée, animée de nobles intentions, aimant sincèrement la France, sympathisant du fond du cœur avec les souffrances du peuple, détestant la guerre, ayant le respect du droit et de la justice, austère dans ses goûts, modérée dans ses opinions, irréprochable dans sa conduite. Parlant de l'accord qui existait entre elles et le groupe des grands seigneurs, véritablement religieux. M. Michelet a dit « Regardons cette petite société comme un couvent au milieu de la cour, couvent conspirateur pour l'amélioration du roi. En général, c'est la cour convertie. Ce qui est beau, très beau dans ce parti, ce qui en fait l'honorable lien, c'est l'édifiante réconciliation des mortels ennemis. La fille de Fouquet, de cet homme que Colbert enferma 20 ans, la duchesse de Béthune-Charoste, par un effort chrétien, devient l'amie, presque la sœur des trois filles du persécuteur de son père. Tels sont les sentiments que Madame de Maintenon savait inspirer. Chaque matin et chaque soir, elle disait, du plus profond de son âme, cette prière composée par elle. « Seigneur, donnez-moi de réjouir le roi, de le consoler, de l'encourager, de l'attrister aussi, quand il le faut pour votre gloire. Faites que je ne lui dissimule rien de ce qu'il doit savoir par moi, et qu'aucun autre n'aurait le courage de lui dire. » Non, une pareille piété n'avait rien d'hypocrite, et la compagne de Louis XIV était de bonne foi quand elle disait à Madame de Glapion « Je voudrais mourir avant le roi, j'irais à Dieu, je me jetterais aux pieds de son trône, je lui offrirais les vœux d'une âme qu'il aurait rendue pure, je le prierais d'accorder au roi plus de lumière, plus d'amour pour son peuple, plus de connaissances sur l'état des provinces, plus d'aversion pour les perfidies des courtisans, plus d'horreur pour l'abus qu'on fait de son autorité. Et Dieu exaucerait mes prières. » Madame de Maintenon et les demoiselles de Saint-Cyr. C'est entourer les religieuses et des élèves d'un asile où l'idée de la religion s'unit à celle de la noblesse, où il y a place pour la terre et pour le ciel, pour le monde et pour Dieu, que l'épouse de Louis XIV nous apparaît dans son véritable cadre. Saint-Cyr est comme l'enfant de cette femme qui n'a pas été mère. C'est là où un cœur moins sec, moins égoïste qu'on ne le croit, dépense qu'il lui reste de force affective, de tendresse. Dans cette pieuse demeure, Madame de Maintenon contemple à travers la brume du passé la carrière si accidentée, si étonnante qu'elle a parcourue. C'est là qu'elle entend avec émotion lointain l'écho des flots orageux qui ont battu son berceau, agité sa jeunesse, et qui, souvent encore, troublent ses vieux jours. En voyant tant de jeunes filles sans fortune, elle évoque le temps où, malgré sa naissance illustre, elle était pauvre, abandonnée. Elle pense à ce qu'il lui a fallu d'intelligence, d'habileté, de courage pour lutter contre la misère. Elle se rappelle les pièges que lui avait dressés l'esprit du mal, les illusions de jeunes filles et de jeunes femmes, dont la préservèrent sa haute raison et son bon sens. Elle résume tous les enseignements que son expérience lui suggère. Dans cette chapelle, dont le silence n'est pas troublé par le murmure de courtisans plus occupés du roi que de Dieu, elle réfléchit à ce que la cour cache d'intrigues, de vanités ou de déceptions. Dans ce calme séjour, la gravité du monastère se trouve heureusement tempérée par la grâce de l'enfance et par le charme de la jeunesse, elle pense à l'aurore et à la nuit, au berceau et à la tombe. Entre Versailles et Saint-Cyr, il y a, pour Madame de Maintenon, une sorte d'antithèse vivante. Versailles, c'est l'agitation. Saint-Cyr, c'est le repos. Versailles, c'est le monde, avec ses tourments, ses ambitions, ses folies. Saint-Cyr, c'est la préface du ciel. Aussi, comme elle préfère son couvent bien-aimé à la cour de marbre, aux appartements du roi, à la galerie des glaces, aux splendeurs du plus beau palais d'univers. « Vive Saint-Cyr !» s'écrie-t-elle, « vive Saint-Cyr !» Malgré ses défauts, on y est mieux qu'en aucun lieu du monde. Quand il s'agit de Saint-Cyr, c'est toujours fait pour moi. Lorsque je vois, dit-elle, fermer la porte sur moi, en entrant dans cette solitude où je ne sors jamais qu'avec peine, je me sens pleine de joie. Et quand elle retourne à Versailles, j'éprouve, dit-elle encore, un sentiment de tristesse et d'horreur. C'est là ce qui s'appelle le monde. C'en est le centre. C'est là où toutes les passions sont en mouvement. L'intérêt et l'ambition, l'envie et le plaisir. Cette préférence de Madame de Maintenon pour Saint-Cyr, qui est son œuvre, sa création, le symbole même de sa pensée, se comprend d'ailleurs facilement. C'est là en effet que se manifeste le mieux son caractère, avec son goût de domination, sa haute intelligence, son talent de plume et de parole, son esprit de gouvernement. Il faut bien le dire, ce n'est pas la religion seule qui lui fait préférer le couvent au palais. À Versailles, elle est contrainte, elle est gênée, elle obéit. Les rayons du soleil royal, bien que pâlissants, ont un prestige et un éclat qui l'intimident encore. À Saint-Cyr, elle est libre, elle commande, elle gouverne. César aurait mieux aimé être le premier dans un village que le second à Rome. Madame de Maintenon trouve plus de plaisir à être la supérieure de religieuse que la compagne d'un roi. À Versailles, elle regrette peut-être la couronne et le manteau d'hermine qui lui manquent. À Saint-Cyr, elle n'en a pas besoin, car là, sa royauté ne soulève point de contestation. Ses moindres paroles sont recueillies comme des oracles, ses lettres lues avec une respectueuse émotion, en présence de toute la communauté, y sont l'objet d'une admiration unanime. Les religieuses ou les élèves à qui elles sont adressées s'en vantent comme des titres de gloire. Madame de Maintenon est presque la reine de France. Elle est tout à fait la reine de Saint-Cyr. Inaugurée le 2 août 1686, la maison d'éducation de Saint-Cyr fut, pendant 30 années, l'occupation principale de Madame de Maintenon. Elle s'y rendait au moins de 2 jours l'un, arrivant souvent à 6 heures du matin, allant de classe en classe, peignant et habillant les petites filles, édifiant et instruisant les grandes, préférant son rôle d'institutrice à tous les amusements et à toutes les splendeurs de Versailles. Rien de Saint-Cyr ne lui paraissait importun ou déplaisant. « Nos dames, disait-elle, sont des enfants qui, de longtemps, ne pourront gouverner. Je m'offre pour les servir. » Je n'aurai nulle peine à être leur intendante, leur femme d'affaires et, de tout mon cœur, leur servante, pourvu que mes soins les mettent en état de s'en passer. Les dames de Saint-Louis, c'est ainsi qu'on appelait les religieuses de la maison de Saint-Cyr, avaient, dans le milieu de la journée, une heure de récréation qu'elles passaient ordinairement autour d'une grande table, à converser librement, travaillant à l'aiguille. Madame de Maintenon aimait à venir à ces récréations. Elle y apportait son ouvrage et s'y livrait à des entretiens, à la fois spirituels et édifiants, dont la communauté appréciait le charme instructif. Au mois de septembre 1686, le roi, relevant de maladie, vint visiter Saint-Cyr. Les demoiselles chantèrent le Te Deum, le Domine Salvum Fac Regem, l'hymne de Lully, Grand Dieu sauvez le roi, vengez le roi, dont les Anglais ont emprunté l'air à la France pour leur God Save the King. Louis XIV sourit à ses frais visages, à ses cœurs pleins d'émotion et de reconnaissance. Quand il remonta en voiture, il dit avec attendrissement à Madame de Maintenon « Je vous remercie, madame, de tout le plaisir que vous m'avez donné. » En 1689, il disait aux dames de Saint-Louis « Je ne suis pas assez éloquent pour vous bien exhorter, mais j'espère qu'à force de vous bien répéter les motifs de cette fondation, je vous persuaderai, vous engagerai à y être toujours fidèle. Je n'épargnerai ni mes visites, ni mes paroles, pour peu que je les croie utiles à produire ce bel effet. » Pour Louis XIV, Saint-Cyr était une consolation et une expiation, une œuvre de religion et de patriotisme, un hommage à Dieu et à la France. « Ce qui me plaît dans les dames de Saint-Cyr, disait-il, c'est qu'elles aiment l'État, quoiqu'elles haïssent le monde. Elles sont bonnes religieuses et bonnes françaises. » À l'entrée de chaque campagne, il se recommandait pour attirer la bénédiction du ciel sur ses armes, aux anges de Saint-Cyr, dont les prières devaient être puissantes au paradis. Revenant du siège de Mons en avril 1691, il se rendit dans le Saint-Asile, où son âme se reposait des émotions, de la politique et de la guerre. Comme l'une des jeunes filles lui reprochait de s'être trop exposée pendant le siège, « Je n'ai fait que ce que je devais, répondit-il. Mais le bien de l'État, répliqua-t-elle, est attaché à la conservation de votre personne. Les places comme la mienne, reprit le roi, ne demeurent jamais vides. Un autre la remplirait mieux que moi. » Quant à madame de Maintenon, son dévouement pour Saint-Cyr va jusqu'à l'enthousiasme. « Sanctifiez votre maison, dit-elle aux dames de Saint-Louis, et par votre maison tout le royaume. Je donnerai de mon sang pour communiquer l'éducation de Saint-Cyr à toutes les maisons religieuses qui élèvent les jeunes filles. Tous mes étrangers en comparaison de Saint-Cyr et mes plus proches parents me sont moins chers que la dernière des bonnes filles de la communauté. » Non contente de prier, comme la reine des abeilles, elle travaille. Sa plume et son aiguille sont également actives, et c'est tout en brodant qu'elle fait de véritables sermons qui ne seraient pas indignes des plus grands prédicateurs. Elle trace, en termes excellents, le portrait des religieuses, celui des mères de famille. « J'en connais, dit-elle, qui sont estimées, respectées et admirées de tout le monde. Leurs maris sont si charmés d'elle qu'ils disent avec admiration « Je trouve tout à ma femme. Elle me sert d'intendant, de maître d'hôtel et de gouvernante pour mes enfants. » Parlant à des novices, elle s'écrie « Comptez qu'il n'y a rien sur la terre de si heureux qu'une bonne religieuse, et rien de si malheureux et de si méprisable qu'une mauvaise. Se taire, obéir, souffrir, ne point faire souffrir les autres, aimer Dieu d'un cœur plein et tout ce qu'il veut que nous aimions, supporter l'imperfection en autrui et point en soi, ne se flatter ni se décourager, ne compter que sur la croix et ne laisser jamais respirer l'amour-propre sous aucun prétexte de consolation innocente. Voilà le royaume de Dieu qui commence ici-bas. Vous n'aurez de bonheur qu'en vous livrant à Dieu sans réserve et en portant le joug de la religion avec un courage simple qui vous le rendra doux et léger. Priez sans cesse, dit-elle aux dames de Saint-Louis. Priez en marchant, en écrivant, en filant, en travaillant. Il y a quelque temps que je voyais vos demoiselles plier du linge, avec une activité qui ne leur laissait pas le loisir de penser ni de s'ennuyer. Elles furent un instant en silence, et ensuite elles chantèrent des cantiques. J'admirais l'innocence de leur vie, et votre bonheur d'éviter tant de péchés, en contenant ainsi ce grand nombre de jeunes personnes dans un âge si dangereux. Cette femme blasée, désabusée des vanités de la terre, voudrait inspirer à autrui son dégoût des biens qu'elle a possédés. Avec quelle conviction dans l'accent elle disait « Les princes et les princesses ne sont ordinairement contents nulle part et s'ennuient de tout. À force de chercher les plaisirs, ils n'en peuvent trouver. Ils vont de palais en palais, à Meudon, à Marly, à Rambouillet, à Fontainebleau, dans le dessein de se divertir. Ce sont des lieux admirables. Vous seriez vous autres ravis en les voyant. Mais eux s'y ennuient parce que l'on s'accoutume à tout et qu'à la longue les plus belles choses ne font plus plaisir et deviennent indifférentes. De plus, ce ne sont point ces choses-là qui nous peuvent rendre heureux. Notre bonheur ne peut venir que du dedans. » Dans ses discours, demoiselle de Saint-Cyr, madame de Maintenon s'analysait elle-même avec l'impartialité qu'elle mettait à juger les qualités et les défauts de son prochain. C'était comme un perpétuel examen de conscience, une méditation continue, une démonstration de l'inanité, du néant des grandeurs humaines par la femme qui en avait la connaissance la plus approfondie. Austères et admirables enseignements. Mais toutes les jeunes filles sont-elles en état de les comprendre? Plus d'une n'est, croyons-nous, qu'à moitié convaincue. Il en est peut-être parmi elles qui disent qu'après tout, madame de Maintenon n'a pas toujours fait fi du monde, qu'elle l'a aimé au point de préférer Scarron à un couvent, qu'elle a été, plus qu'aucune autre femme, flattée des distinctions et des éloges, que, dans sa jeunesse, elle ne laissait pas que d'être fière de ses succès dans les brillants salons de l'hôtel d'Albret ou de l'hôtel de Richelieu. Parmi les demoiselles de Saint-Cyr, il y en a probablement plus d'une que la crainte des orages ne dégoûte pas de l'océan, et qui, en dépit des sages conseils de madame de Maintenon, rêve d'en essayer et de se confier aux flots sur une barque ornée de fleurs. Il est rare qu'on soit convaincu par l'expérience d'autrui. Ce sont nos propres déceptions, nos propres souffrances qui nous instruisent. Madame de Maintenon le sait bien, et cependant, elle ne se décourage pas dans ses exhortations. « Que ne puis-je, s'écrie-t-elle, faire voir le fond de mon cœur à toutes les religieuses, afin qu'elles sentent tout le prix de leur vocation? Que ne donnerais-je point pour qu'elles vissent aussi près que je le vois de quel plaisir nous cherchons à abréger le sens de la vie ?» En récapitulant l'ensemble de sa destinée, cette femme, à l'esprit si observateur, si judicieux et si pratique, en arrive à des conclusions qui sont toutes pour la vertu, pour la religion, pour Dieu. Et le Saint-Asile, où elle a marqué d'avance l'emplacement de son cercueil, l'a fermée dans ses pensées fortes et ses réflexions salutaire. Les lettres de Madame de Maintenon. Au début, Louis XIV n'aimait pas la femme destinée à devenir l'affection la plus sérieuse et la plus durable de sa vie. Le roi ne me goûtait pas, a-t-elle écrit elle-même, et il eut assez longtemps de l'éloignement pour moi. Il me craignait sur le pied de bel esprit. Comment Louis XIV passa-t-il de la répulsion à la sympathie, de la défiance à la confiance, de la prévention à l'admiration ? En voyant de près des qualités morales qu'il n'avait pas distinguées de loin. Le même fait s'est produit chez la plupart des critiques et des historiens qui, ayant à parler de Madame de Maintenon, ne se sont pas contentés de notions superficielles et ont soumis à une véritable analyse sa vie et son caractère. Quand M. Théophile Lavallée fit paraître son Histoire des Français, il y peignit Madame de Maintenon d'une manière très sévère. Il l'accusait de la sécheresse de cœur la plus complète, d'un esprit de dévotion étroite et d'intrigue mesquine, et lui reprochait d'avoir inspiré à Louis XIV des entreprises funestes de très mauvais choix. Elle le rapetissa, disait-il, elle l'obséda de gens médiocres et serviles, elle eut enfin la plus grande part aux fautes et aux désastres de la fin du règne. Quelques années plus tard, M. Lavallée, mieux éclairé, disait dans sa belle histoire de la maison royale de Saint-Cyr, Madame de Maintenon ne donna à Louis XIV que des conseils salutaires, désintéressés, utiles à l'État et au soulagement du peuple. Que s'était-il donc passé entre la publication des deux ouvrages ? L'auteur avait étudié. Après de patientes recherches, il était parvenu à recueillir les lettres et les écrits de Madame de Maintenon. Grâce aux communications des ducs de Noailles, de Mouchy, de Gambacérès, de messieurs Feuillet de Conches, Montmerquet, de Chevry, Honoré Bonhomme, il avait pu accroître les trésors des archives de Saint-Cyr et faire enfin une œuvre d'un puissant intérêt. Madame de Maintenon est un des personnages historiques qui ont le plus écrit. Ses lettres, si elle n'avait pas détruit un grand nombre, formeraient toute une bibliothèque. Les archives seules de Saint-Cyr en contenaient 40 volumes. Et pourtant, les lettres les plus curieuses, sans doute, n'ont pas été conservées. Madame de Maintenon, toujours prudente, brûla sa correspondance avec Louis XIV, son époux, avec Madame de Montchevreuil, sa plus intime amie, avec l'évêque de Chartres, son directeur. Les lettres de sa jeunesse sont très rares. On ne devinait pas encore ce que l'avenir lui réservait. Le recueil de M. Lavallée, forcément incomplet, n'en est pas moins un monument historique d'une très haute valeur. Deux volumes de lettres et d'entretiens sur l'éducation des filles, deux autres de lettres historiques et édifiantes adressées aux dames de Saint-Cyr, quatre volumes de correspondance générale, un de conversations et proverbes, un autre d'écrits divers, enfin un dernier qui comprend les souvenirs de Madame de Caylus, les mémoires des dames de Saint-Cyr et ceux de Mademoiselle d'Aumale. Tel est l'ensemble d'une publication qui a mis en pleine lumière une figure éminemment curieuse à étudier. Le recueil de La Baumelle, l'ennemi de Voltaire, contenait, à côté de beaucoup de lettres authentiques, un grand nombre de lettres apocryphes. Il y avait des changements, des interpolations, des additions, des suppressions. Au moyen de pièces fabriquées, on avait inséré des phrases à effet, des réflexions piquantes, des maximes à la mode au XVIIIe siècle. M. Lavallée a trouvé moyen de séparer le bon grain de livret. Passant le recueil de La Baumelle au crible d'une critique sagace, il est parvenu à rétablir le texte des lettres vraies et à prouver le caractère apocryphe de celles qui étaient fausses. Comme les vrais connaisseurs en autographe, ils se défiaient des lettres saisissantes. Les falsificateurs sont presque toujours imprudents. Ils forcent la note. Et quand ils se mettent à inventer un document, ils veulent que leur invention produise une impression saisissante. La correspondance des personnages célèbres est en général beaucoup plus simple, beaucoup moins apprêtée que les prétendus autographes qu'on leur attribue. Il faut se tenir en garde contre les lettres où se trouvent soit des portraits achevés, soit des jugements profonds, soit des prédictions historiques. C'est là souvent un signe de falsification, et plus on est frappé par un autographe, plus il faut étudier avec soin sa provenance. Les lettres de Madame de Maintenon méritaient la peine qu'on a prise pour en établir d'une manière exacte les dates et l'authenticité. L'historien de Madame de Sévigné, le baron Valckener, les place sans hésiter au premier rang. Madame de Maintenon, dit-il, est pour le style épistolaire un modèle plus achevé que Madame de Sévigné. Presque toujours, celle-ci n'écrit que pour le besoin de s'entretenir avec sa fille, avec les personnes qu'elle aime, afin de tout dire, de tout raconter. Madame de Maintenon, au contraire, a toujours, en écrivant, un objet distinct et déterminé. La clarté, la mesure, l'élégance, la justesse des pensées, la finesse des réflexions lui font agréablement atteindre le but où elle vise. Sa marche est droite et soutenue. Elle suit sa route sans battre les buissons, sans s'écarter ni à droite ni à gauche. Valckener, mémoire sur Madame de Sévigné, sa vie et ses écrits. Telle était également la vie de Napoléon Ier. Il préférait de beaucoup les lettres de Madame de Maintenon à celles de Madame de Sévigné, qui étaient, selon lui, des œufs à la neige dont on peut se rassasier sans se charger l'estomac. En citant la préférence de Napoléon, M. Désiré Nisard fait des réserves. « Quand les lettres de Madame de Maintenon sont pleines, a dit l'éminent critique, on est de l'avis du grand empereur. Elles ont je ne sais quoi de plus sensé, de plus simple, de plus efficace. On n'y est pas ébloui de la mobilité féminine, et le naturel en plaît davantage parce qu'il vient plutôt de la raison qui dédaigne les gentillesses sans se priver des vraies grâces que de l'esprit qui joue avec des riens. Mais où le sujet manque, ces lettres sont courtes, sèches, sans épanchement. » Monsieur Désiré Nisard, Histoire de la littérature française.